plus vivre comme ça. Je n'arriverai à trouver quelqu'un comme toi. Je pensais vraiment que sans toi, ça ne marcherait pas.